Mon sac-sac souffle dans mes cap-cap. Il masse sur une carte les endroits cartonnés, bonnés et tenues sombres de rigueur. Sois pas étonné si tu sors de me croiser 10 fois par heure. C'est que je suis pas tout seul, on est plein dans la pénombre, recouvrant la ville d'un voile de nos pensées sombres. Trop seul face au nettoyage intensif, l'intensité de nos couleurs restera notre palliatif. Mec, tu veux que je te dise pourquoi? Tu le sais, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Faut être passionné pour faire ça. Y'a tous ces risques à prendre pour plus de visibilité, tout en restant concentré pour d'highlight millimétré. Gérer son style, son stress, décor hostile, on se tire pour pas finir dans la presse. J'file à travers les éléments urbains, laissant derrière moi 4 lettres qui brilleront au petit matin. Hey, SKIP, hey, sur la basse, bon vinyle, dictaphone ou sur CD. SKIP, hey, sur façade, mur, vitre, autocollant ou sur pop. C'est le hip hop, hip hop jusqu'à la mort. On pousse et faut à la porte et ramène le fond pour la forme. C'est le hip hop qui se sème aux 80 depuis les années 80, motorisé sur 4 temps. C'est le hip hop, hip hop jusqu'à la mort. On pousse et faut à la porte et ramène le fond pour la forme. C'est le hip hop qui se sème aux 80 depuis les années 80, motorisé sur 4 temps. Je viens représenter les vrais b-boys qui vendent l'avant, ceux qui suivent le hip hop, ceux qui ne salissent pas le mouvement, ceux qui s'agrippent à cette danse née sur un carton, ceux qui tarponnent le spliff et le breakbeat dans les ronds. Une pensée pour ceux qui méritent le respect sur un sol froid gravé. J'en épuise pas la frais grave. J'ai connu ça moi aussi, j'étais breaker, cicatrice sur l'épaule. C'était le tag des travailleurs, les brailleurs à cette époque n'étaient pas nombreux. Y'avait pas de clown à la gare qui dansait pour tes beaux yeux. Ghetto blaster, gros survêt et fila. Personne m'a dit, v'là ta rage, vas-y suis-là. Tu me suis là, l'amour du break ça se passe dans le cœur. Certains sans ça n'auraient pas connu le bonheur. La foule en folie, après une phase dans un défi. En fuite en jogging, ouais c'est pour toi que c'est mon défi. C'est le hip-hop, hip-hop jusqu'à la mort. On pousse et faut à la porte et ramène le fond pour la forme. C'est le hip-hop qui se sème aux 80 depuis les années 80, motorisé sur 4 temps. C'est le hip-hop, hip-hop jusqu'à la mort. On pousse et faut à la porte et ramène le fond pour la forme. C'est le hip-hop qui se sème aux 80 depuis les années 80, motorisé sur 4 temps. Souvent négligé, souvent sujet au plus grand rejet. Je vous porte un art fragile que toutes ces lois ont naufragé. Une fin tragique pour ces artistes engagés qui viennent ravager, parger les murs afin que leurs sentiments soient partagés. Jugé pour avoir simplement été distrait et pour avoir traduit le rage sous forme de lettré. J'rappe pour dire que le graphe n'est pas écrit perpétré. C'est une façon d'interpréter ce rôle que ce pays dans lequel on vit nous a toujours décrété. Est-ce un crime de se passionner ou un crime passionnel d'être un artiste qui veut toujours impressionner? Sillonner en pleine nuit les chemins de fer, c'est prendre trop de risques et pour cela je respecte leur façon de faire. Ressentir un tiers de la frustration qui par ses couleurs font ressortir. Pour s'exprimer tel un rappeur au discours satire, on sature d'être accusé d'immature. Si on se révolte c'est parce que c'est dans notre nature. C'est le hip-hop, hip-hop jusqu'à la mort. On pousse et faut à la porte et ramène le fond pour la forme. C'est le hip-hop qui se sème aux 80 depuis les années 80, motorisé sur 4 temps. C'est le hip-hop, hip-hop jusqu'à la mort. On pousse et faut à la porte et ramène le fond pour la forme. C'est le hip-hop qui se sème aux 80 depuis les années 80, motorisé sur 4 temps. Ouais, divers, hein. Wawawa reste dans la place, hein. SKIP s'il te plaît. C'est pour le clan, hein, c'est l'équipe. Ceux qui restent authentiques dans l'ombre et la lumière, hein. À tous ces graffeurs, hein. Des murs au chemin de fer. À tous ces breakers qui lâchent pas l'affaire. Ouais, ouais, c'est ça le hip-hop mon frère.